Rhodes FM. Littérature, théâtre, danse, cinéma, exposition, musique, performance, graphisme, architecture, création sonore, philosophie, linguistique, écologie, science. On parle de toutes les cultures dans Rien à voir quoique sur Campus FM 94 FM. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans Rien à voir quoique en direct sur Campus FM ou en streaming. Nous sommes le jeudi 1er février et il est 18h00. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Sylvie Maury et Mathieu Ornin de la compagnie Querida pour leur lecture sonorisée Histoire d'amour ici et d'ailleurs, fragments de romans dans le cadre de la 3e édition du Festival des compagnies fédérées à découvrir jusqu'au 10 février au Théâtre du Pont-Neuf, dans le quartier Saint-Cyprien à Toulouse. Pas d'humeur de loup en direct ce soir, mais une rediffusion de sa toute première chronique et le coup de cœur musical d'Edgar en fin d'émission. Edgar qui doit être dans les embouteillages comme tous les jeudis. François est à la réalisation technique de l'émission. Merci François. On est ensemble jusqu'à 19h dans Rien à voir quoique en direct sur le 94 FM à Toulouse. Les secrets de Titus et le dépositaire. Oh putain, c'est en verre. On parle de toutes les cultures, de rien à voir quoique. Ils sont affreux ces costumes. Sur Campus FM, 94 FM. Je le disais à l'instant, Lou n'est pas avec nous ce soir. Lou, on t'embrasse et on écoute de nouveau ton humeur du 11 janvier sur ta relation au théâtre, bien compliquée, telle une histoire d'amour avec ses hauts et ses bas. Chers amis, chers camarades, chers auditeurs, chères auditrices de Campus FM, l'heure est grave. J'en ai marre, voilà, je vous le dis une bonne fois pour toutes, j'en ai ma claque de ces propositions artistiques qui ne me font ni chaud ni froid, de ces plateaux vides de sens et de sentiments. J'en ai marre de voir des gens tout nus sur la scène, se rouler dans la boue, se justifiant qu'ils aiment beaucoup la nature et le rapport à l'organique. Bah oui, mais moi aussi j'aime bien les fesses, hein, y a pas de problème avec ça. Mais quand même, me dis-je quand même, vraiment, enfin, je veux dire, je sature, quoi. Que faire de tous ces corps tout nus plantés là, tels quels, aussi nombreux qu'ils en perdent leur sens et leur propre corporéité. Allons bon, n'allons pas en faire tout un plat, allez-vous me dire. N'allons pas hurler sur le théâtre de notre époque en prétextant que c'était mieux avant. Mais non, papy, je te vois venir. Avant quoi? Avant quelle époque? Papy, t'es né pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'ai envie de te dire. Alors maintenant, tu manges ton dentier et tu me laisses faire ma chronique. Non, je vous rassure, puis c'est pas vraiment la question et ce serait bien réducteur d'ailleurs pour le théâtre. Mais voilà, je me demande. Je pense à vous, hein, je pense à toi, spectateur, spectatrice. Peut-être me dis-je que tu veux profiter d'un moment de doute ultime sur les circonstances de ta vie, en te disant que l'expérience théâtrale est encore la seule vraie réponse. Peut-être que c'est ça. D'ailleurs, j'en profite d'être à la radio pour faire un petit big up à la catharsis d'Aristote. Alors bon, pour ceux dont les cours de philo datent d'à peu près la même époque qu'Aristote lui-même, hein, c'est-à-dire d'un autre espace-temps en fait, la catharsis, c'était pour lui le moyen pour les spectateurs de libérer leurs pulsions et passions par la tragédie. Alors ben moi je me dis normal hein, qu'on s'y reconnaisse un peu quand tu ne sais plus quoi faire de tes pulsions et que tu ne veux pas les jeter sur n'importe qui, mieux vaut aller les explorer chez d'autres. Ah vraiment je vous jure, ouais, j'en peux plus, puis les sorties de spectacle. Alors ça, vraiment ça non plus je ne peux plus, moi maintenant je vais au théâtre seule. Et ben oui, parce que le truc qui me met encore plus en position latérale de sécurité que le comédien qui vient tout juste de faire des cris d'animaux dans une jungle reconstituée pour l'occasion sur scène, c'est l'ami là qui sort fumer sa clope en sortant et qui me dit « Ah mais moi j'ai trouvé ça franchement néo-symboliste quoi, d'un point de vue dramaturgique. Mais tais-toi en fait. Là je suis tranquille, je fais mon petit truc dans ma tête. C'est quoi cette manie qu'ils ont les gens après un spectacle de se sentir obligés de dire un truc intelligent pourvu que tu les soupçonnes un petit peu qu'ils aient rien compris au spectacle. Hein. Et puis le gars qui te dit « Ah bah tiens, je me ferais bien une petite pièce ce soir là, histoire de me détendre, un truc léger pour rigoler. Pardon, te faire une pièce ?» Ben, je crois pas, non, un peu de respect, quoi, te faire une pièce, hein, te faire un steak, quoi, si tu veux, mais on s'envoie pas une pièce comme ça, hein, et je rêve. Hein. Et puis c'est quoi ce délire d'aller se laver les neurones au théâtre? Ce que je veux dire, au bout d'un moment, c'est le même gars qui te dit, bah ça va, c'est bien de pas se prendre la tête des fois. Ah ben oui, pour le coup, c'est réussi. Se prendre la tête sur un ramassis de clichés et de stéréotypes, ça va être compliqué. Hein. D'ailleurs, je te préconise, en amont du dit spectacle, un lavage de cerveau d'un programme télé de ton choix, à raison d'une dose le matin et d'une dose le soir, histoire d'être bien opérationnel. Hein. Ah, vraiment, moi, je vais le quitter le théâtre, je pense. Bah si, ouais, si je fais une pause, peut-être un break. Je le laisse faire sa vie et moi la mienne. Peut-être que je vais me consacrer à la peinture ou à la photographie. Je sais pas, non, parce que je suis triste au fond, mais oui. Ouais, non, je suis un peu virulente comme ça, je sais, mais je l'aime, moi, le théâtre. Mais si, si, un peu. Enfin, c'est compliqué, voilà, notre relation est compliquée. À coup de je t'aime, moi non plus, de faux semblants et de mauvaise foi. Théâtre, je te le dis, je t'aime au fond. Oh, théâtre, où que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi. Oh, théâtre, mais je t'aime, mais oui, même si parfois je ne te comprends plus. Mais n'est-ce pas ça aussi une relation de l'amour et du conflit, des coups de cœur et des déceptions, des masques que l'on enfile pour s'extirper de cette vie pourrie, du train-train quotidien, du métro qui pue? Ben oui, je me dis, l'expérience du théâtre est unique et éphémère, elle répond à notre société, d'ailleurs que celle-ci aille dans le sens de la bienséance ou qu'elle la dénonce, cette bienséance, ces propositions artistiques n'en restent pas moins un regard sur le monde. À nous de trouver notre place, à nous de trouver nos modèles. Alors ne reste pas chez toi, petit spectateur, à chercher éperdument un bon programme télé, en rêvant de la prendre ta télé et de la jeter du haut du 8e étage, en imaginant le bruit subtil et délicat de cet écran de verre qui se brise sous tes yeux émerveillés, et vas-y au théâtre, de toute façon, ça te fera toujours un super sujet de conversation. Et c'était l'humeur de Lou, merci Lou, on se retrouve dans un instant avec nos invités, le temps d'écouter un morceau de Petit Biscuit, Sunset Lover. Thank you. Sunset Lover de Petit Biscuit, sorti en 2016. L'artiste avait alors 16 ans. Rien à voir, quoique. Depuis le 18 janvier et jusqu'au 10 février, le Festival des compagnies fédérées est l'occasion de découvrir ou redécouvrir les créations des compagnies fédérées au sein du théâtre du Pont-Neuf. Le festival a proposé La fille qui sent le tabac de Cécile Carle par la compagnie Postpartum, Bar et Bar Nunzio de Spiro Schimone ou Schimone, par l'émetteur et le bruit des gens. Et à partir de ce soir jusqu'à samedi, l'émetteur propose un duo intime et musical Infini Baudelaire autour de poèmes en vers et en prose. Et enfin, le Festival des compagnies fédérées se termine avec des fragments de romans et des lectures sonorisées par Querida Compagnie. Ça s'appelle Histoire d'amour ici et ailleurs, avec trois lectures. Le 8 février, d'après un texte d'Alessandro Barrico, soit. Le 9 février, les petits chevaux de Tarquinia de Marguerite Duras. Et le 10 février, L'amant de Lady Chatterley de David Herbert Lawrence, avec Sylvie Maury et Mathieu Ornain, nos invités de ce soir dans Rien à voir quoique. Bonsoir Sylvie Maury. Bonsoir. Bonsoir Mathieu Ornain. Bonsoir. Et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation dans les studios de Campus FM, d'autant que ce n'était pas si facile pour venir nous voir à cette heure de grand trafic dans Toulouse, dans nos studios à Perpète-les-Oies, à Croix-Daurade. Merci beaucoup. Alors le Théâtre du Pont-Neuf, ce n'est pas qu'un théâtre, c'est un projet avec une proposition d'accueil en résidence de création, des ateliers de pratique de théâtre, des répétitions publiques, des lectures de projets, des rencontres, évidemment la diffusion de spectacles vivants. Dans un contexte de restrictions budgétaires généralisées, c'est comme ça que vous l'écrivez sur le site du théâtre, il a fallu repenser le fonctionnement du Théâtre du Pont-Neuf en étendant une logique de mutualisation. Et c'est ainsi que les compagnies fédérées se sont proposées d'assurer la coordination artistique et pédagogique du nouveau projet. En gros, le Théâtre du Pont-Neuf devient un lieu et plusieurs compagnies. Julie, qui était en stage à la rédaction en décembre dernier, est allée faire le tour de quelques théâtres toulousains. Entre autres, elle a rencontré Olivier Janel de la compagnie L'Émetteur au Théâtre du Pont-Neuf. On écoute un court extrait du reportage de Julia. Au théâtre, tu participes à cet rendez-vous d'amour incroyable. C'est ça le secret profond du théâtre. J'ai fait un peu le tour des théâtres toulousains. On commence avec Olivier Janel, qui travaille avec le Théâtre du Pont-Neuf. Un petit théâtre toulousain au fond de la place Arzac, dans le quartier de Saint-Cyprien, qui est un lieu qui est un lieu d'accueil de compagnies en résidence de création. Et il est géré conjointement par quatre compagnies, dites les compagnies fédérées. Alors des compagnies fédérées, mais autour de quoi ? D'abord, on est essentiellement sur du théâtre de texte. Ça n'empêche pas des formes plus transversales avec de la danse, de la vidéo, de la musique. On avait envoyé à Dresde Constance et sa sœur Hilda à l'âge de 15 ans pour y étudier la musique, entre autres choses. Elles étaient beaucoup amusées. Elles menaient une existence libre parmi les étudiants, avaient avec les hommes des discussions sur la philosophie, la sociologie. Par exemple, cette année, on avait Gustave Flaubert, une écriture au plateau sur des gens qui sortent du conservatoire, Asile Club, un collectif de balles perdues qui travaille sur le théâtre de rue. Enfin, c'était assez exhaustif et divers. Bon, il y a vraiment une volonté là de toucher un large public. Mais pour les étudiants, c'est-à-dire des jeunes entre 18 et 25 ans, est-ce que vous avez un spectacle à conseiller ? Je dirais La fille qui sent le tabac, qui est pour un public étudiant, qui traite de la violence faite aux enfants, de violence sexuelle faite aux enfants, mais aussi d'un parcours de résilience. Après, je pense qu'il y a un très beau travail sur Baudelaire, Infini B, qui est un assemblage de textes de Baudelaire mis en musique par Philippe Gelda. Mais bon, étudiant, ça veut dire petit budget. Alors comment on fait ? On a un tarif réduit, tous les spectacles sont à 8 euros pour les étudiants. On accepte également les carnets plein feu, que nous ne vendons plus, mais nous les acceptons, c'est-à-dire les étudiants qui ont des carnets plein feu, c'est cette espèce d'abonnement, un peu comme au cinéma, là on a plusieurs tickets d'avance, qui revient, je crois, à la place à 6 euros pour les étudiants, voilà ce qu'on propose. Ah bah parfait, vous avez pensé à tout. Merci Olivier. Merci Julia, on peut retrouver le reportage de Julia en entier, il dure une demi-heure sur le Mixcloud de Campus FM. Ça s'appelle Petit tour des théâtres toulousains. Sylvie Maurice, c'est vous qu'on entendait, hein. C'est une répétition. Oui. Oui, c'est ça. C'était une répétition avec Mathieu. On était sur Châtelet, sur l'amant de Lady Châtelet à ce moment-là. Et elle s'était faufilée dans la salle, effectivement, avec son micro, pendant un petit moment. C'était le tout début, hein, du travail sur Châtelet. Mi-décembre, ouais. Ouais, c'est ça. Alors, Querida Compagnie, que vous avez créée en 2012, donc fait partie de ces compagnies fédérées au Théâtre du Pont-Neuf, ce que j'expliquais. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous et pour votre compagnie? En gros, ça veut dire très concrètement que c'était un théâtre qui, effectivement, dans la réalité qui était celle dans laquelle on a retrouvé le théâtre, c'était un théâtre qui ne pouvait pas continuer à vivre. Donc, c'est un théâtre qui allait fermer. Et ce qui est quand même très difficile à envisager et à admettre. Donc c'est surtout parti de ce désir-là, de se dire dans quelle mesure est-ce que chacun à son endroit, on peut contribuer au fait que ça continue à exister. Et c'est aussi avantageux et très intéressant pour nous, parce que c'est aussi un endroit où on va travailler. Donc, on bénévolement, on va travailler et donner du temps à ce lieu. Et en même temps, on y travaille, on y répète. Donc, c'est aussi un peu chez nous. Donc, on y est attaché aussi pour ces raisons-là. Même s'il y a une part bénévole, il y a une contrepartie pour nous qui est très importante. Et puis, il y a des salariés aussi dans le lieu maintenant qui travaillent dans le lieu. Donc on est réunis. Ce sont des compagnies qui ont des identités artistiques et esthétiques, etc., qui sont très différentes et autonomes, mais elles sont fédérées autour de ce projet du théâtre. Est-ce que ça vous arrive de travailler ensemble sur de la création artistique, ou vous êtes fédérés pour la question administrative? Alors, ça dépend les projets. Puisqu'il y a le collectif Phare qui faisait partie aussi des compagnies fédérées autour du Théâtre du Pont-Neuf, le collectif Phare réunissant les personnes et non pas les compagnies. Donc effectivement, artistiquement, il y a des projets pour lesquels c'est le cas. L'émetteur et le bruit des gens régulièrement travaillent ensemble, les mêmes personnes. Donc ça dépend un petit peu les projets en réalité. Voilà, Mathieu qui crée là, il a été beaucoup dans l'émetteur, il est sur Querida maintenant. Enfin, c'est quand même des gens qui se croisent. Voilà, c'est des gens avec des compétences qui se croisent. Sur certains projets, on est ensemble. Sur d'autres, on l'est pas. Et je crois que c'est cette liberté qui est très importante pour nous aussi. On n'est pas une seule et une même famille. On a des identités claires, précises, différentes. Et en même temps, on a la même exigence, je crois, artistique. Chacun à son endroit, etc. Et je crois que ça, c'est très important, au-delà des conditions, économiques, ou évidemment de gérer ça à plusieurs, c'est plus facile économiquement aussi. Mais c'est pas, je crois, pas la priorité. Et donc c'est un modèle qui marche économiquement? En tout cas, ça va, je crois. En tout cas, ça va mieux que ce que c'était. Et puis, on a mis en place ce festival des compagnies fédérées pour que aussi les compagnies qui gèrent, hein, du coup, le lieu, puissent aussi montrer leur travail régulièrement, qu'il y ait aussi ce rendez-vous, c'est-à-dire que le théâtre soit de nouveau ouvert au public. Et on constate qu'il y a de plus en plus de monde d'une année sur l'autre. Donc, je crois que c'est plutôt bon signe. Je crois que c'est plutôt bon signe. On est de plus en plus sollicité aussi par des compagnies extérieures qui veulent venir travailler et créer dans ce lieu-là, dans ce théâtre-là. Donc je crois qu'à ce niveau-là, c'était un peu les objectifs qu'on s'était... Ça fait combien d'années qu'elles sont fédérées ? 3 ans, puisque c'est le troisième festival, c'est ça. Donc c'est la troisième année. Et donc il fallait le temps aussi que ça se sache, que des choses se faisaient à nouveau. Souvent les gens nous disent « Ah bon, mais c'est à nouveau ouvert ?» Ben oui, avec un nouveau projet qui est celui-là. Certains le savent, d'autres pas encore suffisamment, quoi. Et donc votre compagnie à vous, Querida Compagnie, date de 2012. Pourquoi avoir créé votre propre compagnie en tant que comédienne? Par volonté de liberté aussi, puis simplement parce que je crois que j'avais des envies autres que des envies théâtrales à proprement parler, et que les projets sur lesquels on m'embauchait ou on m'embauche régulièrement sont essentiellement des projets de théâtre. Et que c'est vrai qu'avec Querida, la première création que j'ai faite, c'était des lectures de Tchekhov, mises en son et en musique par un musicien qui était Sylvain Loiseau. Et il y a une dimension de plus en plus au cours des années. Je crois que j'assume, enfin, je le choisis pas tellement. Il se trouve que c'est comme ça, qui est beaucoup plus musical. Voilà, on a fait une création sur Barbara, avec Philippe au piano, et là avec Mathieu. Enfin, c'est dans cette ligne-là, où, sans que je le décide vraiment, c'est ce qui se précise, une dimension quand même vraiment musicale. Et qui n'y a pas au théâtre. Qui a au théâtre, mais qui pour moi, là, sur les créations, passe en priorité. D'accord. Alors, vous dites, c'est une volonté d'ouverture dans l'expression artistique qui pourrait prendre diverses formes, lecture spectacle, lecture musicale, création d'écriture. Quelle différence vous faites entre la création de spectacle vivant et une lecture spectacle, une lecture musicale? Dans un projet de théâtre, il peut y avoir de la musique, des univers, des créations sonores. Ça a été le cas sur Barbara, où Mathieu a travaillé, par exemple, au son, en créant comme ça plein d'ambiances, etc. Donc, ça existe en théâtre, bien entendu. Mais ce qui m'intéresse et ce qu'on creuse cette année, puisqu'on a quand même tout un cycle tout le long de l'année avec Mathieu, c'est la rencontre du texte, en lecture, certes, et de la création sonore, qu'elle soit musicale. Mathieu t'en parlerait beaucoup mieux que moi. C'est la rencontre immédiate, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qu'on va poser sur quelque chose, qu'on va rajouter dans un second temps ou je sais pas quoi. C'est quelque chose qui se crée ensemble. Ces deux langages-là qui cohabitent. Et sur le moment, qui se crée sur le moment. Ouais. En fait, c'est vrai que si on travaille pour une pièce, une vraie création, on va souvent travailler pour un metteur en scène qui va nous demander une musique d'une certaine durée, d'une certaine énergie qu'on va poser, qu'on va fixer et qui sera jouée, à moins d'avoir des musiciens live et voilà. Donc là, sur le travail qu'on fait, moi je mixe en direct tous les éléments qui sont préparés et je réagis aussi en fonction de l'état de la comédienne, des spectateurs, tout ça pour, dans le but d'avoir une écoute collective. Histoire d'amour d'ici et d'ailleurs, et au départ un cycle de 8 lectures sonorisées. Vous avez choisi, je vous cite encore, de grands textes, des textes complexes, des textes qui questionnent, qui bousculent, des textes connus peut-être et que les gens disent avoir lu ou plutôt aimeraient avoir lu. Dans le cadre du Festival des Compagnies Fédérées, vous ne proposez que 3 textes sur 8. Oui. Mais j'ai vu que c'était important ce cycle pour vous, une envie de fidélité privilégiée entre vous et le public. C'est vraiment, on a un rendez-vous mensuel, c'est-à-dire tous les mois avec Mathieu, on est à Bellegarde, au Centre culturel Bellegarde, et tous les mois on propose une création qui nous demande évidemment une préparation en amont, ensemble, chacun de notre côté, puis à nouveau ensemble, etc. Et on a ce rendez-vous mensuel, tous les mois on a une nouvelle création qui se fait à Bellegarde. Là, dans le cadre du Festival des Fédérés, on avait convenu avec l'équipe que chaque compagnie prenait 3 soirs pour présenter une création faite ou une reprise ou une créa en cours, etc. Et donc pour ce qui nous concerne, j'ai proposé qu'on prenne 3 des lectures qu'on est en train de créer. Donc en l'occurrence, une différente par soir aussi. Peut-être que certains voudront venir plusieurs soirs ou alors certains ont des affinités avec Duras plus qu'avec Baricot ou avec Laurent, etc. Enfin voilà, qu'il puisse y en avoir aussi pour... Et donc à Bellegarde, les gens reviennent tous les mois? Oui, on a des fidèles qui viennent. Certains viennent sur l'auteur, je dirais, parce qu'ils connaissent tel auteur et qu'ils ont envie de découvrir, enfin de réentendre ou de redécouvrir. Mais d'autres viennent clairement parce qu'ils sont venus sur la première et qu'ils ont envie de nous retrouver aussi dans autre chose. Parce qu'on veille vraiment, autant Mathieu que moi, à chaque fois aller ailleurs, c'est-à-dire on va dans un style littéraire très différent, donc forcément Mathieu il va dans un style enfin sonore, musical, etc. aussi très différent. Ça, on s'oblige, je crois, à chaque fois se remettre en danger, etc. Ce qui fait que les gens, j'espère, n'ont pas la sensation de redite, etc. En tout cas, nous on y est très vigilants, les textes sont très différents. Et donc à Bellegarde, c'est une fois par mois, ça court en ce moment? Ouais. La prochaine sur laquelle on est là, qui aura lieu à la mi-décembre, c'est La mort à Venise, par exemple. La mort à Venise de Thomas Mann. Voilà, là on est en train de bosser sur celle-ci. Le mois dernier, c'était Nour de Arnaud Rickner. Voilà. Donc on essaye de vraiment brasser les époques, les pays. C'est histoire d'amour ici et ailleurs, à chaque fois, avec une volonté qu'on soit dans un autre pays, dans une autre époque. Et donc dans un autre style musical, littéraire, etc. Ça a été compliqué de choisir les textes, de s'arrêter sur un texte? Il a fallu en choisir 8, donc il y avait des évidences. Voilà. Franchement, il y avait certains textes qui pour moi, voilà, c'est moi qui ai fait ces choix au début. Certains étaient évidents et après, il y a eu la volonté de créer un cycle. C'est-à-dire que ça ait quand même un peu de sens et du coup de veiller à ce qu'il y ait aussi ces différences d'un mois à l'autre, que ce ne soit pas des choses trop proches. Voilà, donc là il y a Marquez avec L'amour au temps du choléra qui viendra après, Nancy Houston, Tchekhov, enfin voilà, on part comme ça. C'est toujours en français. Ouais. Toujours en français. Après, Mathieu, il se prive pas pour envoyer des choses parfois dans d'autres langues, mais la lecture à proprement parler est en français. Et Mathieu lit avec moi aussi régulièrement. Oui, c'est une seconde voix. Ouais, vraiment. Alors, vous dites la lecture impose aux comédiens d'être sur un fil, en équilibre, en complicité avec le public qu'il voit et à qui il s'adresse directement. Vous regardez le public, vous le voyez dans les yeux quand vous faites vos lectures? Oui, on peut, oui. Certaines lectures s'adressent plus au public directement, soit, par exemple, on se l'est beaucoup dit, comme c'est un conte, il y a vraiment cette adresse plus directe au public, etc. Pour d'autres lectures, les adresses sont peut-être moins importantes en quantité, etc. Certains spectateurs s'accordent la liberté de fermer les yeux, et ils ont raison. Voilà. D'autres n'osent pas. D'autres veulent voir Mathieu bidouiller sur ses machines ou veulent me regarder. Ont l'impression que ça nous gênerait s'ils fermaient les yeux. Ça dépend des réactions des gens. C'est possible. Nous, on peut voir les gens et on peut s'adresser à eux. C'est ce qu'on fait. Vous êtes proche d'eux physiquement. Oui, très proche d'eux. Les gens sont autour de nous. Il a vraiment, je te laisse en parler, fait une installation sonore, etc. pour vraiment immerger les gens, les plonger avec nous dans le son. Oui, donc on est au centre du dispositif. Les spectateurs sont, le premier spectateur est à quoi? Un mètre de nous. Et un système en quadriphonie, comme on dit. Mais bon, voilà, on est immergé dans un espace sonore qui est commun. Je réinsiste là-dessus, parce que sur l'idée de l'écoute collective. Et sur l'idée aussi de mixer donc tous les sons qui ont été préparés. Et il y en a souvent beaucoup. Donc il y a une prise de risque aussi sur le mix en direct, les transitions, etc. Et je fais aussi des petits bruitages à vue avec soit des objets, des petits instruments ou des petits objets que je ramène et que je trafique. Il y a beaucoup de part à l'improvisation, ouais. Alors énormément. Sur chaque représentation. Ouais. Après on a un canevas, c'est-à-dire on répète une dizaine de jours pour la lecture à peu près, un truc comme ça. Donc on a quand même un canevas, on a un parcours, on a des rendez-vous très précis et après on se fait confiance. On sait que là, on a tel rendez-vous, là, on a tel rendez-vous, là, on a tel espace, etc. Mmh. Mais après, on se fait confiance aussi, parce que on veut vraiment ce que disait Mathieu tout à l'heure sur cet aspect du direct. Quand je parle du fil pour la lecture, pour moi, c'est très important. Qu'on a moins au théâtre sur quelque chose qui est beaucoup plus ficelé, je dirais, même s'il faudrait le maintenir au théâtre. Mais le fait d'être en lecture comme ça, c'est-à-dire le texte n'est pas su, il est travaillé évidemment, et pareil, Mathieu s'est travaillé, sa partition est travaillée. Vous le lisez le texte, vous ne connaissez pas. Enfin... Bien sûr, mais du coup c'est cet endroit d'équilibre fragile que moi j'aime beaucoup en lecture. Merci Sylvie Maury et Mathieu Ornain. On se retrouve dans un court instant, le temps d'écouter La boxeuse amoureuse par Arthur H sur son dernier double album Amour, chien fou, sorti le 26 janvier, il n'y a pas longtemps, 2018. Regardez-la danser quand elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse. Sur ses gants dorés, des traces de sang, de larmes et de sueur. De sang et de sang. Elle esquive les coups. La boxeuse amoureuse. Elle absorbe. La boxeuse amoureuse. Boum boum la supercute, percute son visage. Mais jamais elle ne cesse de danser, de danser. Tomber ce n'est rien, puisqu'elle se relève. Un sourire sur les lèvres, un sourire sur les lèvres. sur Campus FM, on vient d'écouter La boxeuse amoureuse par Arthur Ashe sur son dernier album sorti le 26 janvier. Et on est toujours en compagnie de Sylvie Maury et Mathieu Ornain de Querida Company, ou la compagnie Querida. Querida Company. Querida, ça veut dire cher en espagnol, enfin cher dans le sens oui. Pacarlo. Chérie, cher. Pour nous parler d'histoire d'amour et d'ailleurs, fragments de romans dans le cadre de la 3e édition du Festival des Compagnies Fédérées pour 3 lectures, alors la semaine prochaine, les 8, 9 et 10 février au Théâtre du Pont-Neuf à Toulouse. Histoire d'amour ici et ailleurs est une immersion dans un fragment de roman, voyageant d'époque en pays, vous l'avez dit, à travers une histoire d'amour. Querida Company invite le spectateur à plonger dans une lecture à une ou plusieurs voix, avec celle de Mathieu, en créant en direct des ambiances radiophoniques, tout en étant au cœur d'un dispositif sonore spatialisé. On écoute un extrait d'une lecture d'après un texte d'Alessandro Barrico, soit S-O-I-E. Hervé Jeancourt avait 32 ans. Il achetait et vendait des verres à soie. Au premier jour de mai, les œufs s'ouvraient, libérant une larve qui, après 30 jours d'alimentation forcenée à base de feuilles de mûrier, travaillait à se réenfermer dans un cocon pour s'en évader ensuite, définitivement, 2 semaines plus tard, en laissant derrière elle un patrimoine équivalent en fil à 1000 mètres de soie grège et en argent, à une quantité considérable de francs français. À la condition que tout se déroulât dans le respect des règles et, ce qui était le cas pour Hervé Jeancourt, dans quelques régions du midi de la France. Alors vous parlez de cinéma sans images, de fiction radiophonique en direct, de lecture sonorisée. Est-ce qu'il faut inventer un mot ou est-ce qu'on sent que vous avez besoin de l'expliquer ce que vous faites ? J'ai pas trouvé le mot le plus juste. Franchement, j'ai pas trouvé le mot le plus juste pour ça. On nous a renvoyé que finalement la lecture sonorisée était le plus simple et le plus juste. Moi j'ai eu un problème aussi quand on a monté le dossier par exemple pour qu'est-ce que tu fais. Alors je suis créateur sonore, je suis designer sonore. En fait, dans les pays anglo-saxons, il existe un terme très simple et pas pompeux qui s'appelle sound artist. Voilà. Mais en France, quand on dit je suis artiste sonore, c'est même pas que ça sonne pas, c'est que ça fait très prétentieux de suite. Donc on fait des trucs. Moi qui fais de la radio, fiction radiophonique en direct, je trouve ça assez chaleureux, mais c'est vrai que ça dit pas toute cette ambiance. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, je trouve, d'arriver à traduire vraiment. C'est-à-dire que, en réalité, l'objectif, si je devais le pousser à l'extrême, vraiment, ce serait des livres audio. En fait. C'est-à-dire prendre des romans, parfois en intégralité ou pas. Pour ce qui nous concerne, on est sur des formats d'une heure. Voilà, ça dure une heure en tout. Et ça se rapprocherait de ça. C'est-à-dire que Mathieu, il crée des ambiances, il crée des sons, il bruite. Oui, on ne va pas voir des livres audio. Non, mais c'est pour ça. Si je vais le pousser vraiment jusqu'au bout, ce serait un livre audio qu'on donnerait en direct. Mais c'est pas non plus. C'est pour ça que j'ai du mal à dire est-ce que c'est radiophonique. Parce qu'en même temps, c'est assez radiophonique. Au début, c'était le mot qui nous semblait le plus juste. C'est-à-dire, on est sur des lectures radiophoniques parce qu'on est vraiment là-dedans, dans ce rapport au son, à l'écoute, à une plongée dans quelque chose. Moi, c'était le premier mot qui m'est venu. Et puis d'autres nous ont dit mais c'est pas vraiment radiophonique non plus, c'est sonorisé. Je sais pas tellement le terme le plus juste. Je pense que ça rejoint ce que dit Mathieu, c'est-à-dire qu'on n'a pas, pour ce qui concerne son travail, de nom vraiment adéquat, adapté en fait. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, chaque texte impose en plus une forme tout à fait différente. Donc c'est vrai que, par exemple, sur Nour, on peut vraiment pas appeler ça une fiction radiophonique. Parce que je me sers d'outils en tant que musicien électronique aussi. Donc on s'est rendu compte que le texte supportait pas les ambiances, les voix et tout ça, les contextualisations justement classiques, façon je reconstitue une scène sonore comme au cinéma on pourrait le faire. Et donc c'est vrai que ça On réinvente à chaque fois, c'est une forme à réinventer tout simplement. Parce qu'un cinéma sans images, en revanche, je trouve ça un peu réducteur. Enfin... Alors en fait, ça dépend. C'est-à-dire que par exemple, sur certains, bah, d'ailleurs, c'est pas étonnant, il y a des films qui ont été faits. On nous a nommé ça à un moment, par exemple, sur Chatterley, donc l'extrait de tout à l'heure. C'est-à-dire quand ce sont des romans avec des actions très concrètes, avec des lieux très concrets, avec il va de tel endroit à tel endroit sur son fauteuil roulant, il sort de la maison. Quand on entend tout ça, c'est-à-dire quand Mathieu bruite et fait exister tout ça de façon très concrète, on a l'impression d'être au cinéma, mais on n'a pas les images. C'est cet endroit. Mais tous les textes, encore une fois, ne s'y prêtent pas à ça. Et il n'y a pas de décor du tout ? Alors, on a mis un petit dispositif en place qui varie un peu. Il faut quand même dire que la salle de Bellegarde a un auditorium que le nom. C'est-à-dire il y avait vraiment une acoustique très difficile. Donc, il fallait casser cet espace réverbérant. Donc, on s'est dit, il faut mettre des tissus. Il faut absolument mettre des tissus. Et c'est sur Dietsch Lawrence, l'amant de Lady Chatterley. On s'est dit, il est question d'une cabane dans la forêt. Donc, on va se mettre enfermé dans un tulle, derrière un tulle, avec les spectateurs autour de nous. Et ça sera notre cabane. Voilà. Et ils pourront voir, eux, à travers la cabane. Donc, on trouvait ça assez rigolo pour le dispositif. Et sur les autres, du coup, on a décliné ce dispositif-là, encore une fois, pour, au départ, des enjeux acoustiques. Mais finalement, ça amène aussi un espace. Une scéno, quoi. Voilà, c'est-à-dire que finalement, au début, on était en quelque chose de plutôt frontal, et maintenant, non, on a vraiment les gens autour de nous. On est au centre, et les gens sont très près de nous, une espèce de demi-cercle de chaque côté de nous. Ils sont vraiment avec nous, on est tous au centre. Et alors, quand vous parlez de dispositifs sonores spatialisés, c'est-à-dire qu'on peut entendre les sons à droite, à gauche, derrière, devant, ça vient de tous les côtés? Voilà, moi j'envoie depuis mon petit ordinateur au centre de la salle, vers quatre haut-parleurs qui sont quatre pour l'instant. qui sont aux quatre coins de la salle, hein, tout simplement. Et puis tout ça se mélange aussi avec les sons directs, notamment la voix de Sylvie et la mienne, et les petits bruitages que je peux faire aussi en direct. Donc oui, on est au milieu de... On est dans un espace sonore, on est encerclé de sons. Faut que j'aille voir, parce que je visualise pas très bien. Et Mathieu, vous faites pas mal de choses, quand même. Oui. Vous parlez, les petits boutons, les instruments. C'est ça, ouais, j'arrête pas. C'est ça, il y a plein de manip. Ouais, ça va. C'est pour ça que je dis quand même, on fait pas tout au feeling, hein, on travaille, hein, faut pas croire. Il y a quand même des répétitions et du boulot en amont, quoi, vraiment. Même si, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une part d'impro, mais qui est propre au spectacle vivant. Cette part d'impro, elle est même nécessaire et on la cherche. Et on veut qu'elle demeure. C'est ce qu'on s'est bien nommé, on veut que ça demeure. Mais il y a quand même du boulot, oui. Alors je vous cite encore, vous dites « En faisant se répondre la musique, le son et le texte, la voix, un nouvel espace s'ouvre plus vaste, plus riche et sans doute plus accessible pour une œuvre littéraire. » En quoi l'œuvre littéraire est-elle plus accessible avec ce dispositif ? Parce que je crois qu'il y a plein de gens qui disent... Vous énervez pas. Non, mais non, parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Oui, j'ai lu Chatterley, j'ai lu nanani nanana. » En réalité, ils ont vu le film, parce qu'il y a une forme comme ça plus... Voilà, mais c'est très bien. Et peut-être moi la première aussi de me dire « Mais est-ce que ces œuvres-là, parfois, font peur pour X raisons ? Et est-ce que c'est pas aussi notre métier ? » En tout cas, moi, ça me plaît. De me dire que je peux aussi être un passeur à cet endroit-là. C'est-à-dire, c'est pas de rendre accessible, c'est pas parce qu'il y a une création sonore que c'est... Mais malgré tout, j'ai l'impression qu'on est aussi dans une époque où on vit avec ça aussi, tout le temps, et on peut permettre aussi à une génération actuelle de rentrer dans la littérature autrement que uniquement la lecture à voix basse à sa table de nuit. Je crois que c'est quelque chose qui me donne envie. Vous parlez de livres audio tout à l'heure, c'est quelque chose qui est possible pour Kérina Company ? Oui. Oui. On en a parlé, on ne sait pas exactement comment, etc. Mais sur les 8 lectures du cycle, oui, c'est tout à fait possible. Alors Mathieu Ornain, vous êtes comédien, musicien, technicien du spectacle, concepteur sonore. Ça va, concepteur sonore ? Ouais. Ça va. C'est beaucoup, mais ça a l'air cohérent. Vous dépendez de la compagnie Kérina ? Vous êtes indépendant? Oui, je suis intermittent du spectacle, comme Sylvie, je travaille pour d'autres structures. C'est la première fois que vous travaillez ensemble sur ce... Qu'on travaille vraiment tous les deux comme ça sur un cycle, ouais, oui. C'est la première fois. Après, sur la création précédente de la compagnie Kérida, c'était un spectacle sur Barbara. spectacle théâtral et musical et chanté, etc. Et Mathieu était déjà sur le coup, vraiment là pour le coup, t'étais sur la création sonore, etc. Mais on s'est croisés quand même depuis un certain temps, même si on ne travaillait pas ensemble. Quoi. Et alors le spectacle Barbara, pardon, c'était un texte que vous avez écrit, des chansons. Non, c'était les chansons de Barbara. Que vous chantez. On était deux comédiennes chanteuses et Philippe Gelda au piano, voilà. Et du coup, il y avait Mathieu au son et Laurent Pérez à la mise en scène. Et donc, c'était un spectacle théâtralisé à partir des chansons de Barbara. Voilà. Donc, on est plus dans la lecture, là. Non, là, on était vraiment dans le spectacle, pour le coup. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le direct ? Je m'adresse à Mathieu. Pardon ? Qu'est-ce dans le direct, vous... ouais. Bah, que ce soit du spectacle vivant, que ce soit l'assemblée théâtrale qui vive un moment partagé ici et maintenant. Ça, c'est l'évidence, c'est la base, quoi. Est-ce que vous avez c'est ce côté éphémère qui fait que, justement, ça, qui permet la magie. Est-ce que vous avez des retours de votre public, de ce qu'ils ressentent dans ce travail assez particulier ? J'aime pas dire le mot singulier, mais allez. On a eu, bah, sur les toutes premières, on savait pas trop, hein, franchement, parce que le désir de faire ça est très fort. Enfin, voilà, je suis très heureuse de faire ça parce que ça fait longtemps. Je crois que j'avais envie de faire ça, mais j'assumais pas tout à fait parce que on vient de la scène. Donc, tout d'un coup, il faut forcément que ça reste dans la scène. Mais en réalité, moi, je suis très heureuse, de faire ça. Ça me plaît beaucoup, beaucoup. Donc, on était un petit peu, forcément, à la première du cycle. Donc, c'était soi. On était un peu comme ça à l'affût des réactions et en réalité les gens ce qui nous a été renvoyé c'est que ça aurait pu durer, on avait toujours cette peur que ça puisse être trop long ou trop ennuyeux ou quelque chose comme ça et en fait non, ils plongent dans une histoire, simplement ils lisent pas l'histoire eux-mêmes, on la leur comme fait partager. Quand on était petit, vous parlez beaucoup de l'enfance et de ce moment quand on va se coucher, oui. Ou que nos parents Duras, lisent une histoire. Duras, elle cite ouais. Cette phrase que je trouve vraiment très belle. Vous pouvez nous la dire, je l'ai notée alors, quelque part. Alors de mémoire, peut-être si vous l'avez notée, ce sera plus... Ah voilà. Duras, elle dit ça et pour moi c'est extrêmement juste et ça, je dirais ça réunit un peu ce goût-là. Elle dit, j'ai oublié tant de choses dans ma vie. Tant de livres, de conversations, mais pas certaines histoires que ma mère nous racontait en nous couchant le soir de sa voix traînante. Les choses qui nous appartiennent le plus, je crois, passent exactement par là, par la parole parlée, immédiate. Ça rejoint ce direct dont on parle, c'est-à-dire cet endroit, cet instant et cette oralité. Pour moi, elle est très importante. Et c'est bizarre parce que je parle d'oralité en partant sur des textes littéraires, on ne peut plus écrire. Mais c'est cette passerelle, moi, qui me plaît. Quand je parle de passeur, c'est cet endroit où, finalement, je crois que c'est aussi le travail de l'acteur, quoi. Alors, parfois, ça aboutit à des spectacles, mais pour moi, la lecture, en tout cas, dans la forme qu'elle a là et dans ce qu'on développe là, pour moi, c'est au même endroit. Merci beaucoup, Sylvie Maury. Merci. Mathieu Renin, je rappelle que le Festival des Compagnies Fédérées se poursuit jusqu'au 10 février au Théâtre du Pont-Neuf. 8 place Benoît Arzac dans le quartier Saint-Cyprien à Toulouse, avec Infini Baudelaire, hein, ce soir à 20h30, je ne sais pas s'il reste des places. Il reste quelques places ce soir, il en reste quelques-unes aussi demain après-demain. Voilà, par l'émetteur Compagnie, et puis Histoire d'amour, ici et d'ailleurs, dont on vient de parler, c'est la semaine prochaine du 8 au 10 février, par Kerida Compagnie. Je tenais à rappeler le nom des compagnies fédérées, donc l'émetteur. Le collectif phare, j'ai pas bien compris s'ils étaient encore là. C'est en stand-by. Ok. Kerida, Postpartum et Le Bruit des gens. Les tarifs vont de 6 à 12 euros. Toutes les infos sont sur le site www.théâtredupontneuf.fr. Et je remercie Aurélie du Théâtre du Pont-Neuf qui a organisé cette rencontre dans les studios de Campus FM. Aurélie avec un O flex et un Y. On se quitte avec un morceau, rien à voir quoique, on part en Corée avec une DJette, elle s'appelle Yaeji et le morceau s'appelle Rain Girl et je vois Edgar qui acquiesce. Rain make it, rain girl make it. What if it's just me? 영화 한 편 끝나듯이 As real as it can be 급급했던 기억들은 Where can't you see 창문 없는 방에 When I am

Ilisha, et elle, elle s'occupe principalement de la production et de la composition. Mais à côté de ça, c'est une véritable touche-à-tout. J'ai trouvé ce qu'elle faisait, c'était multi-instrumentiste de haut niveau, DJ, elle fait aussi de la BO pour divers films, documentaires. Bref, les rappeurs Chicks, c'est qu'une toute petite facette de son activité. Ce que j'ai trouvé d'original, c'est qu'une de ses activités, c'est le travail de voix. C'est-à-dire que sa voix est très utilisée pour des messageries de compagnie, des sites web interactifs ou encore du doublage. Elle possède une voix qui est très demandée et pourtant, elle ne sera que très peu mise en avant dans les productions du groupe, si ce n'est pour les chœurs. En fait, ce sont surtout les deux rappeuses qui vont jouer de leur timbre. Deux timbres et deux flows totalement différents qui se complètent à la perfection. La première de ces MC, elle s'appelle Angelina. Celle avec le CV le moins fourni, mais perso que je préfère. Parce que justement, sa voix est particulièrement envoûtante. Qu'elle rappe ou qu'elle chante de manière, on va dire, plus traditionnelle, elle offre une douceur qui fait du bien. Mais les apparences peuvent être trompeuses, puisque ses paroles sont véritablement acerbes et peuvent paraître agressives. Les insultes sont monnaie courante dans ses textes, et c'est une vulgarité qu'on retrouve d'ailleurs régulièrement dans le rap féministe. Enfin, la troisième et dernière membre est la MC Psalm One, qui, après 16 ans de carrière, a déjà partagé la scène avec certains des plus grands noms de cette génération hip-hop, Travis Scott, MF Doom ou encore Kendrick Lamar. Et avec ce bagage et après une assez longue carrière solo, c'est elle qui a décidé de lancer le projet, les Rapper Chicks. Alors c'est en 2016 qu'elles vont donc sortir leur premier et dernier album, au jour d'aujourd'hui en tout cas, l'album Shitty Punk Album. Bon, je vous ai prévenu que c'était pas d'actualité, hein, 2016, ça commence à dater un petit peu. Mais comme son nom l'indique, c'est un album aux sonorités très punk, mais surtout c'est un EP très court, c'est-à-dire qu'il contient seulement 3 morceaux, 3 bons morceaux certes, mais 3 morceaux quand même. Un manque de matière qui peut expliquer leur manque de visibilité, parce que j'ai l'impression qu'elles sont connues pour l'essentiel à Chicago, ce qui est plutôt triste. Et si je les ai découvertes, c'est grâce à une courte série du nom de Music on the Road, ou MOTR, disponible en replay sur une petite chaîne de télévision du nom de Arte. En gros, la série, elle nous fait traverser les États-Unis en faisant escale dans 10 des plus grandes villes, Los Angeles, NOLA, Détroit et bien sûr Chicago. Et pour chaque ville, on nous présente un artiste, on va dire underground, pendant environ 7 minutes. Les styles musicaux sont variés, ça va de la cumbia à la folk en passant par le hip-hop, et on y aperçoit donc le quotidien d'artistes très ancrés dans leur ville et qui sont rarement connus au-delà. Ce que j'ai trouvé original, en plus de présenter des artistes méconnus, c'est que la série, elle prend le rôle d'une radio, la radio MOTR, avec un présentateur à la voix bien rock, que je ne possède absolument pas. Enfin, bref, pour terminer, autant s'écouter un morceau de ces Rapper Chicks. Et je vous ai dit tout à l'heure que l'album avait des sonorités très axées punk, mais personnellement, même si l'album est génial, c'est avec une version live beaucoup plus douce que le coup de cœur a opéré. Le morceau s'appelle Rules and Regulations des Rapper Chicks et c'est une version live. Angelina, everybody wanna fuck a rapper chica. Hit a pussy pour like Aquafina. Hit a brain good, but the money greener. Plant a seed, I tip the meter, got them heated. Know I'm winning in the aftermath. Feels so good to be stunned deeply, but I look so good that I swoon the masses. I'm thrown. Every time I get going, it's a conflict that can unfold. That's how I know that I've slipped to my prime. Everything I fuck with is gold. I'm on beam and my team is OGs. Fuck with us and you fiend. 3 good reasons, black girl magic, you see this. Yup, the karma, we free this life. Rules and regulations got me feeling like fuck it though, fuck it though, fuck it though. I used to wanna grow up, have a normal life, but I said fuck it though, fuck it though, fuck it though. I said rules and regulations got me feeling like fuck it though, fuck it though, fuck it though. I used to wanna grow up, have a normal life, but I said fuck it though, fuck it though, fuck it though. They say I'm arrogant and flagrant with my flex. They say I'm deviant, damn right I love my sex. You can't be fucking with my ladies on the left. And Adam, you best get right, you motherfuckers wanna bet. I got your number 69 and 100. Got 300 ideas. Got 1001 stories about your boo trying to eat it. Everybody wanna rap a chick, delicious and venus. Got emergency penis. Flip a girly on the back, kick my feet up. I say, friends call me slut, numbers call me legs. They like you when they spread, they like you when they beg. Come give me that brain, sexy lower slang. Fuck you, I won't change what you asking for. Go get you some business and a happy hoe. Had to do it to them, they keep trying me, trying me. Flames attempt to shine, but the real ones see the God in me. Shout out to the man, I got that breakfast for your club. House. If you don't eat pussy or bacon, then get the fuck out. Rules and regulations got me feeling like fuck it though, fuck it though, fuck it though. I said I used to wanna grow up, have a normal life, but I said fuck it though, fuck it though, fuck it though. I said rules and regulations got me feeling like fuck it though, fuck it though. Il est l'heure de se quitter. En musique ? Non, pas. Non, pas non. Ah, mais je pensais que tu voulais prendre la parole. Non. Non, non, non, j'ai fini. Fuck it though, fuck it though. I used to wanna grow up, have a normal life. Fuck it though, fuck it though, fuck it though. Thanks, guys. Hey, Robin, can we really do one more? Do one more? Do one more? Do one more? Robin says, Robin. Il est donc l'heure de se quitter. Je voulais mon petit morceau de sous-François, excuse-moi. Ah, pardon. Mais voilà, c'est le live, comme dirait Hugues. C'est longtemps qu'on l'a pas vu, Hugues. Peut-être la semaine prochaine, mais il n'y a pas d'émission la semaine prochaine. Encore un grand merci à nos invités, Sylvie Maury et Mathieu Ornin de Kerida Company. Et merci Edgar pour ta chronique du soir de 2016. Merci François à la réalisation technique de l'émission. Vous pouvez retrouver le replay de cette émission et de toutes les émissions sur le Mixcloud de Campus FM. Et puis il y a des infos aussi sur notre compte Facebook que je mets à jour. Ouais, c'est du boulot. Rien à voir, quoique. Belle soirée sur les ondes de Campus FM avec le gramophone dans quelques courts instants. Bonsoir à tous.